Chapitre 4. Est-ce honnête des pieds? Dans le langage des honnêtes gens, on a justement flétri ce métier d'une épithète qui brûle comme du plomb fondu. Dans le temps où nous parlons, l'idée déshonorante que nous voudrions exprimer ne s'attachait pas encore à la profession de mouchard. D'ailleurs, tout était d'accord pour amnistier Chavigny. Premièrement, le hasard venait de le prendre par la main pour le faire entrer dans la connaissance d'un mystère qu'il ne recherchait pas. En second lieu, les projets de complot partaient de deux étrangers et avaient pour but de jeter la désolation en France, dans sa patrie. Fallait-il donc se fermer les yeux et les oreilles? Il faut tout dire, Chavigny était homme du monde et, comme tous ceux de la moitié du XVIIIe siècle, très enclin aux plaisirs et aux délicatesses de la vie. Dans cet incident inattendu, il voyait un moyen de se faire ouvrir les portes de la France et de reconquérir d'un seul coup son grade et sa fortune, et la peine d'entendre deux étrangers et de reproduire leur conversation lui paraissait être suffisamment compensée par le retour de tous ses biens. Je n'ignore pas que ceux qui obéissent aux règles sévères de la pure morale n'admettront que difficilement cette situation, mais au demeurant, je ne l'approuve ni ne la blâme, je la raconte. Au gré de Chavigny, le lendemain était bien lent à venir. On pense bien qu'il avait pris ses mesures pour être enfermé de bonne heure dans son armoire. Cependant, les prétendus moines espagnols furent fidèles au rendez-vous qu'ils s'étaient donné. « Eh bien, seigneur, où en sommes-nous ? » dit l'un d'eux après la première bouchée avalée, et le premier verre de vin bu. « Il m'est arrivé des dépêches de France pendant la nuit. Sont-elles intéressantes ? Elles sont grosses de fait. Voyons un peu. » Je ne les ai pas apportés, mais je vais vous en dire la substance. Versez à boire. Il faut humecter la diplomatie. C'est juste. Tenez, à votre santé et à celle du roi. À la vôtre et à celle de la petite duchesse. Après avoir repris haleine, l'homme aux dépêches reprit la parole. Sachez d'abord que l'affaire doit éclater pour sûr à Paris au mois de décembre. Bon, après, le Parlement, qui est tout à la combinaison, attendra pour agir. Fort bien, ensuite. En conséquence de tout cela, le cardinal Alberoni envoie dire par deux express à Selamar qu'il est temps de mettre le feu aux mines. De mieux en mieux. Mais ces deux express, quels sont-ils? Ah, seigneur, voilà le beau de l'affaire. Ces deux express, hommes considérables et résolus, eh bien, leur nom. Eh, par Dieu seigneur, vous auriez dû le deviner. Les deux express sont vous et moi. Là-dessus, les deux Espagnols, déjà émoustillés par le vin, étaient partis d'un soudain et bruyant éclat de rire. « Buvons encore un coup. »« Buvons encore deux, pendant que nous y sommes. » Chavigny sortit de son armoire. « Ah ça, que vais-je faire maintenant ?» se demanda-t-il. Il se coucha. « La nuit porte conseil, » se dit-il. « Voyons si elle m'inspirera. » Tous ces secrets importants troublèrent son sommeil. Il eut d'abord l'idée d'aller les révéler à l'ambassadeur français résidant en Hollande, mais une réflexion salutaire l'arrêta. En rusé compère, il comprit qu'il ne gagnerait rien à cette révélation, tandis que l'ambassadeur s'en ferait gloire comme d'un chef-d'œuvre d'espionnage diplomatique. Le lendemain matin, en se levant, il se disait « J'ai beau tourner et retourner la question en tous sens, je ne vois qu'un moyen, c'est de m'adresser à Philippe d'Orléans en personne. » Il invoquait encore un proverbe « Il vaut mieux avoir affaire au bon Dieu qu'à ses saints. » Plein de cette pensée, il écrivit directement au régent qu'il avait découvert, contre la sûreté de l'État, une conjuration dont il était nécessaire qu'il lui dévoilât les détails le plus promptement possible. Il ajoutait, bien entendu, qu'il était en ce moment en exil à La Haye, qu'il ne posait aucune condition, qu'il ne voulait que révéler, qu'il ne demandait rien qu'un sauf-conduit. La lettre resta sans réponse. Est-ce que le complot des adhérents jusque dans la domesticité du prince ? Se demanda-t-il. Cela s'est vu souvent. Une seconde épître, répétition de la première, et une troisième, plus pressante encore que les deux autres, ne furent cependant pas plus heureuses. Voilà qui est étrange, se disait l'ex-Guidon. Alberoni a-t-il donc mis un cordon sanitaire espagnol autour du palais royal de Paris ? Chavigny était littéralement la torture. Le terme fatal, le mois de décembre, approchait. Aux grandes situations, les grandes résolutions, s'écria-t-il. Eh bien, puisqu'ils ne veulent pas venir à moi, j'irai à eux. En dépit de l'ordonnance de bannissement, je pars pour la France. Il se rendit en effet à Paris. Dans la grande ville, de nouveaux obstacles l'attendaient. Comment s'y prendre pour approcher du prince? L'ex-Guidon arriva de nuit, et, disent les mémoires du duc de Saint-Simon, du moment où l'heure du souper était sonnée, tout était si bien barricadé au dehors que quelque affaire qui pût y survenir, il était impossible de parvenir au régent, non seulement pour les affaires inopinées, mais celles mêmes qui eussent le plus dangereusement intéressé l'État et sa personne. Il fallut donc, de toute nécessité, attendre au lendemain. En plein jour, Chavigny se présenta au palais royal. On se moqua de lui. « Est-ce que monseigneur appartient à la première tête brûlée qui demande une audience ?»« Retournez d'où vous venez, brave homme !» Il insista. « C'est une affaire d'État !»« Ah, nous nous en doutions d'avance, c'est toujours pour une affaire d'État que les personnes de votre allure demandent à parler à son Altesse !» Un secrétaire, un peu moins goguenard que les autres, lui dit « Brave homme, allez voir le cardinal Dubois. Son éminence vous recevra, peut-être. » Le cardinal Dubois ne recevait jamais que 8 jours après avoir promis une audience. « Ma foi, se dit-il, en présence de tant d'imbéciles et de tant d'abominables canailles, je n'ai plus qu'une ressource. Je sais que c'est rude et même dangereux. Mais le mois de décembre arrive à grands pas. Il n'y a pas à hésiter. » Désespéré, fatigué, humilié de ses refus obstinés, il attendit que la voiture du régent sortît dans la rue, et s'élançant à la portière comme un furieux, il poussa un cri séditieux qui le fit arrêter sur le champ. « Ah bah, Philippe d'Orléans » disait-il d'une voix tonnante. « Arrêtez ce séditieux, arrêtez-le » s'écriait l'escorte. C'était précisément ce qu'il voulait. Les gardes l'entraînaient d'une manière fort brutale. « Ne lui faites pas de mal !» s'écria le régent. Or, comme Chavigny insistait pour lui parler en disant qu'il avait un secret important à lui révéler, le prince donna l'ordre de conduire le prisonnier au palais, en annonçant qu'il voulait l'interroger à son retour. On obéit. Une heure après, Chavigny était introduit dans le cabinet du duc d'Orléans, avec toutes les précautions qu'on prend d'ordinaire pour surveiller un malfaiteur dont on se défie. « Qui êtes-vous, monsieur ? » lui demanda brusquement le prince quand il parut devant lui. « Monseigneur, je suis un homme qui, depuis un mois, tient un complot dans sa main, qui ne demande qu'à l'ouvrir, et dont on retient le poignet fermé malgré lui. Votre nom ? Le comte de Chavigny, ancien guidon de la gendarmerie. Chavigny ? Vous voulez dire Candale, exilé en Hollande depuis plusieurs années. Hélas, oui, monseigneur. Et vous êtes revenu en France malgré l'édit ? Il le fallait bien. Comment il le fallait bien ? Votre Altesse a dû apprendre par mes lettres la raison puissante qui m'a fait sortir de là. Quelle lettre, monsieur ? Celle qui vous instruisait de la conspiration du prince de Selamar. Des conspirations ? S'écria le prince avec un sourire de dédain. Vieille fable, je n'y crois pas. On m'en a déjà inventé plus de 30 pour obtenir des récompenses ou des places. Monseigneur, veuillez bien croire que celle-là n'est pas inventée. Au surplus, ces affaires-là regardent Dubois ou le lieutenant de police et me sont tout à fait indifférentes. Je ne crois point aux conspirations. Votre Altesse a tort. Mais une chose dont je reste fermement convaincu, c'est que vous n'êtes qu'un imposteur, qui m'avait insulté ce matin dans l'espoir de vous faire remarquer par un éclat, de me parler et d'obtenir au prix d'un mensonge votre rappel. Monseigneur, il y a moitié de vrai dans ce que vous dites, mais vous vous trompez sur le reste. Écoutez-moi, je vous en supplie. Eh bien, j'y consens. Voyons, je vous écoute. Après l'avoir contemplé, le régent se disait qu'en tout état de cause, ce n'était pas un aventurier vulgaire. C'est beaucoup pour un homme que ne pas être fait comme les autres. Et plus haut, voyons Candale, parlez en toute liberté et en toute confiance. Dans ce moment solennel, Chavigny appela à son aide toutes les ressources de son esprit, toujours si fécond et si délié. En une seconde, un long dialogue muet s'agita dans la région de son entendement. Il se disait « Chavigny, prends bien garde, ne commets pas de sottises, tout va dépendre de la tournure que tu vas donner à cette affaire. » Sa pensée, plus prompte que l'éclair, lui recommandait d'oublier les petits détails dans lesquels se complaisent toujours les sots et les inhabiles. « Surtout, malheureux, garde-toi bien, lui disait-elle, de parler d'une servante d'auberge et de l'ouverture de l'armoire fermée, on ne voudrait plus te croire. » Se faisant alors un front d'airain, il parlait de la Hollande en grand seigneur. Il y avait de grandes relations. Il y vivait au milieu de la meilleure société, il y était considéré. C'était au milieu de deux grandes familles qu'il avait été mis dans la confidence du complot. Il nommait le cardinal Alberoni, le prince de Sellamar et la duchesse du Maine. Il assaisonnait son récit de 1000 épisodes qui lui donnaient un grand caractère de véracité. Il ajoutait « Monseigneur, il n'y a pas longtemps à attendre. Cela se manifestera en décembre prochain. Autour des trois promoteurs que je viens de nommer s'agitent beaucoup de personnes en renom. À la cour de Sceaux, M. de Malézieux et M. le cardinal de Polignac travaillent au modèle des lettres qui doivent être envoyées de la part de Philippe V, futur régent, au jeune roi Louis XV, au Parlement et aux grands de la couronne. L'abbé de Porto Carrero, ambassadeur de confiance, est chargé de porter les lettres au consul d'Espagne et de lui faire savoir quand l'heure d'agir sera venue. Eh bien, monsieur, malgré tout votre sang-froid, j'affirme que tout ce que vous me racontez là n'est qu'un roman à faire plaisir, afin de nous prendre pour dupes, sortez, et qu'on ne vous revoie plus à Paris. Monseigneur, une grâce, commandez qu'on m'enferme à la Bastille. Si j'ai menti, eh bien, j'y resterai ma vie durant. » Ces dernières paroles étaient bien faites pour ébranler le prince. « Dirait-il vrai ?» pensait Philippe d'Orléans. Et se reprenant, « Soit, tu iras à la Bastille, quoique la cage soit bien grande pour du petit gibier tel que toi. D'ici à 3 semaines, nous verrons jusqu'à quel point tu avais tort ou raison. » L'ex-guidon fut en effet inséré dans la grande prison d'État du faubourg Saint-Antoine. On se ferait difficilement une idée de sa perplexité. Tous les matins, en se promenant sur le préau, Chavigny se disait « Si la conspiration éclate et réussit, il y a des chances pour que je sois un homme perdu. Si la conspiration ne se révèle pas, je suis entre quatre murs pour le restant de mes jours. » Mais les renseignements étaient trop exacts pour l'avoir induit en erreur. Philippe d'Orléans, sous main, avait prévenu le cardinal Dubois et fait épier les personnages que Chavigny lui avait désignés. Jour pour jour, à 3 semaines de la scène du Palais Royal, le complot était tout à coup éventé. Les papiers compromettants avaient été saisis dans la voiture de l'abbé de Porto Carrero. On avait arrêté la duchesse du Maine, le prince, son mari et tous les complices. Autour du régent, on prétendait que cette trame avait été dénoncée par le secrétaire du prince de Sellamar chez la Fillon, une courtisane d'alors. Seul Philippe d'Orléans savait jusqu'à quel point Chavigny l'avait tenu en éveil dans toute cette ténébreuse affaire. « Qu'on aille chercher le prisonnier, » dit-il en désignant l'ex-guidon. Quand ce dernier se présenta devant lui, « Tu es libre, » lui dit-il, et il ajouta, « On te restituera la fortune de Léon le Boutillier, et en outre, je t'attache dès à présent à ma personne. »